La femme entraîneur de football Park Yong-sun du club de sport de Pyongyang a reçu le prix de souvenir d'arbitre de la Confédération asiatique de football. Avec la carrière d'arbitre international de 1997 à 2016, elle doit à ses efforts portés pour le développement du foot.